marins couchent avec des prostituées. Puis ensuite il les assassine. Et pour finir il se suicide. C'est toujours la même chose. Soin, soin.